Les roses de janvier, un poème de Bambou, lu par Trouvert. Au jardin de janvier, les roses ont fleuri. Avant que les crocus ne montrent leurs corolles, ainsi parfois, joyeux, notre cœur caracole, oubliant les saisons et l'hiver de nos vies. Comme roses trompées par la douceur du jour, pour un rayon de lune, un chant de rossignol, pour une sérénade, une voix qui cajole, nous habillons nos vies de pourpoints de velours. Nous avons beau savoir qu'il fera froid bientôt, nous brûlons en automne comme au feu de Saint-Jean, et chantons en hiver comme au plus beau printemps, fredonnant un duo de troublants concertos. Pour les humains non plus, il n'est plus de saison. À vivre plus longtemps, ils ne sont pas plus sages. Si nous laissons nos cœurs poursuivre des mirages, les roses ont le droit de perdre la raison.